cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Tchernobyl a-t-il fait exploser l'URSS ? C'était un 26 avril, c'était en 1986, à 1h23 du matin. C'était le réacteur numéro 4, c'était Tchernobyl, ou un site pas très connu jusqu'à ce jour, du 26 avril 1986. Tchernobyl, un nom devenu symbole de la chute de l'URSS. Hasard ou non, Tchernobyl a-t-il fait exploser l'URSS ? Galia Kerman, bonjour. Bonjour. Au moment de réfléchir à Tchernobyl, à cette centrale atomique, etc., nous voyons tout de suite les images parce que c'est quelque chose qui a marqué profondément l'histoire. Mais il faut peut-être regarder un peu tout cela sur un temps plus long, dans la croyance qu'avait le gouvernement, les autorités soviétiques, dans le progrès. Le progrès était quelque chose d'essentiel. Tchernobyl s'inscrit dans une très longue histoire. Oui, tout à fait. Vous savez, en fait, c'est surtout l'électricité qui était une sorte de symbole de progrès incontournable. Comme disait Lénine, le socialisme, c'est le pouvoir soviétique plus électrification. Oui. Et donc, dès le début des années 20, il y a des plans d'électrifier l'URSS nouvellement existante, des paysans qui vivaient comme au 19e siècle, ou peut-être même comme je ne sais pas à quel siècle par rapport à l'Europe, reçoivent la magie qui s'appelait l'ampoule de Lénine. Et donc, dans les villages et même dans les villes, souvent, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de toilette. D'ailleurs, à ce jour, c'est encore un problème en Russie. Il n'y a pas de toilette moderne dans beaucoup d'endroits, surtout à la campagne. Mais ça a été électrifié. Il y a eu des stations électriques qui ont été construites. Et bien sûr, la continuation de ce rêve du progrès, c'est l'usage, comme on disait, pacifique de l'énergie nucléaire, dont Tchernobyl devait être le plus grand exemple, parce que ça devait devenir la plus grande centrale nucléaire au monde, avec 12 réacteurs. Ce qui n'est pas rien, ce qui est énorme, et c'est vrai que après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, cette croyance dans le progrès que porte l'URSS est une croyance partagée par tous. Un par un, les représentants du monde vinrent apposer leur paraphe au bas de cette charte qui créait l'Agence internationale de l'énergie atomique. Grâce à cette volonté de l'humanité tout entière à mettre l'atome au service de la paix, nous vivions un moment historique. Le président de cette session, le Brésilien João Carlos Muniz, devait d'ailleurs le souligner en ces termes. On peut affirmer sans le moindre doute que nous assistons à une révolution technique et scientifique qui peut avoir des conséquences plus vastes que la première révolution industrielle. Sur le livre qui s'ouvre maintenant devant nous, s'inscriront des épopées qui dépasseront de loin tout ce que l'homme a fait dans le passé pour maîtriser les ressources naturelles du monde. That man will have at their disposal for harnessing the natural resources of the world are concerned. Nous étions en 1956 quand les actualités s'intéressent à la mise en place de l'Agence internationale de l'énergie atomique de manière grandiloquente. Sabine Dulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à Sciences Po Paris. Vous avez écrit L'ironie du destin, une histoire des Russes et de leur empire de 1853 à 1991. Vous faites des sauts dans le temps par des dates et c'est passionnant. Mais dans cette longue continuité, le progrès est quelque chose d'essentiel. Et dans ces années 1950, pour bien saisir Tchernobyl dans les années 1980, la catastrophe, il faut remonter en arrière dès ces années 50. Oui, tout à fait. Alors là, incontestablement, la modernisation, le prométhéisme aussi, la volonté de dominer la nature, c'est quelque chose de très présent dans les projets et les plans quinquennaux soviétiques. Mais on pourrait dire aussi que c'est complètement général, parce que si on regarde du côté des États-Unis ou de la France, il y a une vraie culture du nucléaire qui se met en place dans les années 50. Et moi, je me souviens d'une photo d'une Miss America en train de poser devant une centrale nucléaire. Donc, on est dans l'idée d'une énergie propre, d'une énergie de l'avenir. Et toutes les grandes puissances veulent participer à cette nouvelle possibilité d'énergie nucléaire. En même temps, donc, comme vous l'évoquez, l'Agence internationale de l'énergie atomique est une agence qui vise à éviter la dissémination aussi entre nucléaire civil et nucléaire militaire. Et de ce fait, il y a une sorte de volonté de monopole de ces capacités énergétiques dans un certain nombre de pays, qui sont les pays qui dirigent le jeu de la guerre froide, et notamment l'URSS. Dites-moi, Galia Ackermann, vous avez évoqué à propos de Tchernobyl cette plus grande centrale nucléaire au monde avec 12 réacteurs. L'URSS d'alors s'appuie évidemment sur d'autres énergies. Le nucléaire ne suffit pas, il y a du pétrole, il y a énormément d'autres types de centrales. Pourquoi ce choix du nucléaire à ce moment-là? C'est bien sûr une nécessité pour produire de l'électricité, enfin pas que, je pense, hein. Je le pense aussi, parce que en fait, tout le monde sait que l'Union soviétique et maintenant la Russie a été très riche en hydrocarbures. À ce jour, par exemple, on continue même à extraire le charbon. Il y a des centrales qui travaillent avec du charbon. Il y avait des énormes projets, d'ailleurs, d'un point de vue écologique très nocif, de construire des centrales hydroélectriques, donc faire des barrages dans des grands fleuves russes, les fleuves sibériens, mais pas seulement, aussi Dniepr, avec le Dniepro-Guess, qui était l'une des premières centrales hydroélectriques. Mais je crois qu'il y avait deux raisons. D'une part, c'est la volonté de puissance, parce que c'était un symbole de prestige. On domine l'atome. Et d'un autre côté, la séparation entre le militaire et le civil n'était pas aussi nette peut-être qu'en Occident, parce que plusieurs centrales dites civiles qui produisaient donc de l'électricité produisaient aussi du plutonium militaire. Et donc, il y avait ces deux côtés, mais je crois que bien sûr, c'était quelque chose d'extrêmement prestigieux. Et d'ailleurs, le premier secrétaire de l'Ukraine s'est battu pendant quelques années pour avoir cette centrale de Tchernobyl sur son sol. Il y a quelque chose d'idéologique, Sabine Dulin. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Galia Ackermann à propos de cette volonté de puissance et de l'uranium et du plutonium. Et en fait, il y a eu aussi, dans le contexte du bloc soviétique et de la mainmise sur l'Europe de l'Est, en fait, un jeu déséquilibré, c'est-à-dire qu'en fait, on utilisait des mines d'uranium qui étaient exploitées, par exemple, en Tchécoslovaquie, et le processus d'enrichissement était en revanche aux mains des soviétiques. Donc il y avait une sorte de division des tâches inégale entre les pays de l'Est et l'URSS, qui possédaient seuls toutes les techniques d'enrichissement et donc la technique des centrales nucléaires également. Oui, parce que c'est un fonctionnement qui est extrêmement rigide. Alors, fonctionnement dans l'organisation de l'économie, sans doute. Il y a planification, il y a toutes ces choses-là. Et puis, dans la politique, Sabine Dulin, justement, où en sommes-nous dans ces années 1980 de l'idée même de réforme en URSS? Tchernobyl n'a pas explosé encore. Alors, avant Tchernobyl, évidemment, on a l'arrivée de Gorbatchev en mars 1985, après la mort de son prédécesseur, Tchernenko, qui n'est pas très connu parce qu'il n'a pas duré longtemps au pouvoir. Et donc, Gorbatchev est en fait un homme qui a commencé à faire de la politique dans les années de la réforme Khrouchtchev. Donc, Il avait 30 ans au début des années 60. C'était le moment de ceux qu'on appelait les chestidisiatniki, c'est-à-dire les hommes des années 60, ceux qui voulaient réformer l'URSS, la moderniser. Et incontestablement, ça compte dans les équipes de ce nouveau secrétaire général du parti qui arrive en mars 85 et qui, d'emblée, il a de la chance. On va avoir un congrès du parti qui est prévu pour février-mars 1986. Ça lui permet donc, dès le début, de pouvoir renouveler les équipes dirigeantes en partie et donc pouvoir lancer ces nouveaux mots d'ordre qui sont donc lancés lors du congrès du parti, donc perestroïka, ce qui veut dire restructuration. Et là, il reprend un mot qui existait déjà à l'époque de Andropov qui avait été le chef du KGB et qui était devenu le secrétaire général du parti à la mort de Brejnev en 1983. Andropov est en fait de la même ville que Gorbatchev, Stavropol, et c'est un peu le mentor de Gorbatchev. Donc Andropov avait déjà commencé à vouloir responsabiliser les chefs d'entreprise, à vouloir lutter contre la corruption. Donc ça avait commencé en 83, et véritablement c'est Gorbatchev qui va reprendre le flambeau de la perestroïka en 1985-86. Mais il y a aussi, bien sûr, l'idée de la transparence, glasnost, qui va être beaucoup plus active à la suite de Tchernobyl. Oui, parce que Gorbatchev arrive au pouvoir en 1985, début 86 de cette année 1986, il y a ce congrès. Enfin, l'idée de réformer là, mais c'est le début, hein, ça ne s'applique pas tout de suite. Galia Kerman. Je voudrais juste compléter ce que vient de dire Sabine Dulin, en fait. Il y a eu trois slogans de Gorbatchev, dont le troisième est un peu oublié maintenant. Il y avait donc glasnost, qui veut dire ouverture, transparence, etc., la perestroïka, et le troisième terme qui était accélération. Parce que il ne faut jamais oublier que Gorbatchev, en tout cas pendant ses années soviétiques, a été un communiste convaincu qui voulait réformer l'Union soviétique et qui pensait qu'il était possible de réformer ce système socialiste en dévoilant ses défauts. En fait, quand il lance glasnost, il ne pense pas du tout spécifiquement au goulag et au crime stalinien. Il pense que, par exemple, on va dénoncer l'état de directeur d'usine, de la mauvaise gestion surtout. Et que, donc, on pourra restructurer pour mieux travailler et accélérer la marche en avant. Voilà. Mais c'est très important de le dire, ça, hein, oui. Que Gorbatchev est quelqu'un profondément communiste qui est dans ce système-là, qui veut juste améliorer le système. En fait, lui, son modèle, c'est Lénine, hein, comme beaucoup de dirigeants soviétiques. Et donc, c'est toujours l'idée d'un... Quand on réforme, on veut revenir souvent à Lénine et en fait à la nouvelle politique économique des années 20. L'idée donc d'une sorte de régime socialiste, une sorte d'âge d'or du régime socialiste qui aurait été ensuite dévoyé par notamment Staline. Mais dans les faits, après, c'est vrai que Gorbatchev, malgré tout, s'appuie beaucoup sur des experts qui sont à l'écart du Parti communiste, par exemple des gens de l'Académie des sciences. Des intellectuels. Et ça, c'est quand même une nouveauté par rapport à avant. Il s'appuie moins sur les apparatchiki que les prédécesseurs. Et ce jour du 28 avril 1986, ou plutôt cette nuit, il est 22h, nous allumons la radio. Les informations, Frédéric Désert, bonjour. Bonsoir plutôt. Explosion oui. Dans une centrale nucléaire soviétique. La Finlande, la Suède, la Norvège et le Danemark sont touchés par un nuage radioactif. Ce sont les Suédois qui, les premiers, se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas. Ce matin, les 600 ouvriers de la centrale nucléaire de Forsmark ont été évacués d'urgence lorsque les équipes de contrôle ont décelé une montée anormale de la radioactivité. Mais ce n'était pas la centrale qui était en cause, puisque d'autres relevés effectués par la suite indiquaient dans toutes les grandes villes de Suède, mais aussi dans les pays voisins, un taux de radioactivité très supérieur à la normale. Heureusement, il n'y avait aucun danger pour les populations, et tout de suite, les regards se sont tournés vers l'Union soviétique. Les spécialistes estimant qu'une fuite avait pu être portée par les vents d'Est. Dans un premier temps, Moscou a démenti, affirmant qu'aucune de ces installations nucléaires ne connaissaient de problème. Mais quelques heures plus tard, nouvelle dépêche de l'agence TASS, et cette fois-ci, la confirmation. plein de choses dans cette archive du 28 avril 1986. Galia Ackermann, vous êtes docteur en histoire, écrivaine, vous êtes traductrice franco-russe et vous avez écrit plusieurs ouvrages, d'ailleurs Tchernobyl, vivre, penser, figurer, ou alors traverser Tchernobyl. Et justement, ce 26 avril 1986, que s'est-il passé dans cette centrale de Tchernobyl? Je pense que c'était très très bien montré dans cette série Tchernobyl de HBO qui a fait une reconstitution très louable, je dirais. En fait, il y avait une expérience qui était en cours, une expérience voulue par la direction de la centrale parce que elle aurait permis au directeur, à l'ingénieur en chef, etc., d'avoir des promotions, des primes, etc. Cette expérience a été menée, inédite d'ailleurs, et qui a déjà échoué dans le passé, et donc ils ont décidé de répéter. Ça a été fait par, réalisé par une équipe de nuit, parce que ça devait être une équipe de jour, mais Kiev a demandé plus d'électricité pour la journée, donc il ne pouvait pas arrêter le réacteur justement pour voir comment collecter, si l'on peut dire, les résidus de l'électricité pendant l'arrêt. Et la situation est sortie, enfin est devenue totalement incontrôlable. Et là aussi, on le voit très bien dans cette série HBO que je recommande parce que je la trouve vraiment très complète et fidèle aux faits. C'est quelques instants de panique parce que en fait, ce sont des ingénieurs qui ne comprennent pas les processus physiques qui sont à l'œuvre, qui sont paniqués et qui n'ont pas d'instructions claires. Que faire? Et pourquoi ils n'ont pas d'instructions claires? Parce que, justement, à cause de la sensibilité du sujet du nucléaire en général et à cause aussi du lien qu'il y avait entre le civil et le militaire, en fait, les informations ne circulaient pas. On a eu déjà, par exemple, une fuite très importante dans le ce qu'on appelle le combinat chimique de Mayak dans l'Oural en 57, mais toutes les conclusions qui ont été tirées n'ont pas été diffusées dans d'autres centrales. Et donc, ils étaient totalement paniqués, ils ne savaient pas trop quoi faire, ils n'avaient que quelques secondes avant cette explosion pour prendre des décisions qui ont été des décisions erronées. Et surtout, il y avait quelque chose qui explique d'ailleurs en partie ce retard de l'information, c'est que ils n'arrivaient pas à croire que le réacteur a explosé. Toute une génération de gens dans le domaine nucléaire ont été élevés dans l'idée qu'un réacteur nucléaire du modèle RBMK ne pouvait pas exploser. On disait, les grands académiciens comme Alexandrov disaient que ce réacteur est tellement, tellement sûr qu'on peut l'installer même sur la place rouge. Ah oui. Et donc, on a envoyé du personnel à voir de leurs propres yeux qu'est-ce qui se passait. Bien sûr, ces gens sont morts, ils ont été brûlés pratiquement par la radiation, tout simplement parce que non, ça ne rentrait pas dans les têtes, c'était pas possible. C'était pas possible, et après avoir envoyé des gens pour essayer de constater ce qui se passait, après l'explosion, il a fallu envoyer des gens nettoyer. C'est une série que vous connaissez, je crois, Galia Ackermann, celle d'HBO. Un monde juste est un monde normal. Il n'y avait vraiment rien de normal à Tchernobyl. Ce qui s'y est passé, ce qui s'est passé après, et même nos actes héroïques, tout cela était insensé. Le vent, transporte toute cette fumée, toutes ces radiations. Vous avez affaire à quelque chose qui n'est jamais arrivé sur cette planète. Je vous ai dit ce que je savais. Je sais que vous essaierez de faire de votre mieux. Ils nieront tout, bien entendu. Comme d'habitude. Tchernobyl. Un extrait de la série Tchernobyl. Donc Tchernobyl, nous nous trouvons pas loin de Kiev, en Ukraine. Avec vous, Sabine Dulin, j'aimerais bien que nous changions d'échelle, si c'est possible. Quittons Tchernobyl, nous allons y revenir, bien sûr. Mais pour avoir un regard beaucoup plus large sur ce qui se passe en Union soviétique, sur toutes ces questions écologiques, parce qu'il n'y a pas que Tchernobyl qui pose problème. Alors c'est vrai que dans le début, d'abord je voudrais dire qu'effectivement la série est magnifique, hein, et je la conseille aux étudiants en général, pour comprendre effectivement tout un tas de choses. Alors si on élargit le contexte, c'est vrai que... au fond, il y a dans ces années 85-86, mais déjà depuis le début des années 80, une vraie effervescence autour des questions, effectivement, de la protection de la nature et de l'écologie. Et d'ailleurs, ça renvoie à quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure, c'est notamment les fleuves sibériens et le lac Baïkal. Donc il y a toute une mobilisation des Russes pour la défense de la nature russe. Or, les grands fleuves sibériens qui coulent tous parallèlement vers l'océan Arctique, sur des milliers de kilomètres, sont considérés dans le projet de développement soviétique comme totalement inutiles. Hein, aller se déverser dans l'océan Arctique, à quoi bon ? Donc on veut les détourner pour aller nourrir la mer d'Aral, qui est une mer en Asie centrale, qui a été complètement asséchée à cause de l'irrigation des champs de coton, puisque dans l'Asie centrale et notamment en Ouzbékistan, on a une production de coton absolument énorme, c'est l'or blanc de l'Asie centrale. Donc, en gros, ce serait donc détourner les fleuves russes vers finalement la mer d'Aral d'Asie centrale. Et là, ça mobilise des écologistes russes qui sont contre cela. Or, ce projet est abandonné justement en 1986. Donc c'est intéressant de voir qu'on est dans ce contexte-là. Et dans les pays baltes, au même moment, on a aussi le développement de mouvements écologiques, notamment pour ne pas construire des centrales nucléaires. Donc on est dans ce contexte-là. Alors en Ukraine, c'est vrai que il y a la problématique de centrales nucléaires, hein, qui sont souvent, même si on avait rêvé éventuellement de la mettre sur la place rouge, dans les faits, les centrales nucléaires sont plutôt quand même dans les républiques non russes. Hein. Et donc, se développe à ce moment-là l'idée que, finalement, l'Ukraine, la Biélorussie sont un petit peu les poubelles de l'URSS. Donc, il y a bien sûr une dimension écologique forte autour de Tchernobyl, même si on ne peut pas dire que le mouvement écologique va véritablement se développer principalement en Ukraine, hein, c'est pas du tout le cas, d'autant que de toute façon le nuage radioactif a surtout touché d'ailleurs la Biélorussie, hein, qui est la première concernée par les problèmes de radiation. Et dans cette question de Tchernobyl, il y a le moment de la catastrophe. Galia Kerman, vous en avez bien dit, hein, ce ne sont pas les meilleurs spécialistes qui sont là à ce moment-là, ce qui explique de mauvaises réactions. Et dans la question des réactions, il y a celle des autorités. Dans l'archive que nous avons entendu tout à l'heure, dans un premier temps, les autorités soviétiques disent non, il ne s'est rien passé. Puis, eh bien, commence à poindre l'idée qu'il y a une catastrophe. Déjà, cela est une information, cela veut dire que c'est grave. Le fait ne serait-ce que d'en parler. Bien sûr, mais vous savez, ce retard s'explique partiellement. Bien sûr, ce sont encore des événements qui sont considérés comme secrets d'État. La catastrophe de Mayak en 57 est passée totalement inaperçue parce qu'elle était loin des frontières européennes, parce que les capteurs à l'époque étaient moins performants que 10 ans plus tard. Mais ce qui s'est passé à Tchernobyl, c'est que dans les premières heures, donc même la direction de centrale ne comprend rien à rien, et elle informe Moscou à l'aube en disant voilà, un accident s'est produit, mais tout est sous contrôle. On pompe de l'eau donc sous le réacteur pour le refroidir, mais il n'y a pas encore de compréhension qu'il n'y a plus de réacteurs. Ensuite, dans la matinée, donc le gouvernement soviétique mobilise un groupe de scientifiques et dans l'après-midi du 26 avril, ces scientifiques arrivent à Pripyat. Hein? À ce moment-là, ils font un survol en hélicoptère et c'est à ce moment que la vérité nue apparaît, il n'y a plus de réacteurs. C'est peut-être après ça qu'il y a une très brève dépêche de l'agence TASS, mais il faudra à ces scientifiques encore plusieurs jours pour comprendre l'étendue des dégâts. Voyez, je vous cite juste un petit détail. Ils ont d'abord logé pendant quelques jours à Pripyat, qui a été irradié au plutonium, parce que ils ne s'en rendaient pas compte qu'ils raccourcissaient leur vie avec chaque heure passée dans cette ville. L'évacuation de la population de Pripyat survient 36 heures après l'accident. Oui, c'est très très long. Hein. Sabine Dulin, je vous pose une question qui pourrait paraître tenir de l'histoire fiction. La nouvelle est donnée qu'il y a eu un accident à Tchernobyl. C'était le 26 avril 1986. Pourquoi ? Parce que c'était pas possible de faire autrement, vu que les traces de radioactivité ont été détectées ailleurs en Europe, ou bien parce que, et vous nous l'avez dit, Gorbatchev, au pouvoir, a commencé à mettre en place l'amorce d'une politique de transparence. Alors, moi je pense qu'effectivement, les calculs radioactifs de la Suède ont beaucoup compté dans la manière dont ensuite, finalement, l'information passe davantage vers l'international que vers la population, puisque on sait qu'il faudra 18 jours quand même à Gorbatchev pour s'adresser, donc pour expliquer l'événement aux soviétiques, alors que en revanche, il y a assez rapidement des sortes de compte-rendu devant de l'ambassade aux États-Unis pour expliquer l'événement. Il va y avoir la venue à Moscou de celui qui dirige l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, d'un certain côté, l'international va primer. Donc, on sent bien que l'opinion occidentale, c'est très important, et que à partir du moment où la radioactivité a été décelée, il faut effectivement mettre le paquet en termes de transparence. De toute façon, Gorbatchev, parce qu'on a oublié de parler de la nouvelle pensée gorbatchevienne en termes de politique internationale, sa volonté de sortir du cadre du cadre conflictuel de la guerre froide, et de ce fait, il a quand même une position de transparence d'abord à l'international. Il faut aussi sans doute imaginer qu'il a voulu prendre le temps de tout comprendre avant d'expliciter cela aux soviétiques. Or, comme on l'a déjà dit, la compréhension était a mis du temps en fait à passer. Hein. Mais là, il y aurait une autre politique fiction à faire. C'est si une centrale nucléaire avait eu un problème ailleurs, en France par exemple, qu'est-ce qui se serait passé ? Comment la chaîne de commandement aurait fonctionné ? Sans doute mieux, puisqu'il y avait effectivement moins cette culture du secret et de la confidentialité que dans le cas soviétique. Il y avait sans doute une responsabilisation plus grande des différents acteurs de tout ce processus. Mais quand même, on peut imaginer qu'il y aurait eu aussi une forme d'inconscience au démarrage. Hein. C'est-à-dire cette difficulté à comprendre l'énormité en fait, de la catastrophe. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui devait pouvoir être partagé à l'époque, même si bien sûr ça s'est accentué dans le cas soviétique parce qu'on avait cette compartimentation. Le fait que c'était très compartimenté en termes de mécanismes de décision et que du coup personne ne savait exactement l'ensemble du processus. C'est intéressant de comparer avec la France parce que au moment de Tchernobyl, vous nous le dites bien, il y a une culture du secret en Union soviétique très forte avec des informations venues du pouvoir, alors qu'en France c'est un peu différent, il est plutôt question d'épinards. N'en déplaise à Popeye, l'épinard est un légume particulièrement sensible aux retombées radioactives, et c'est pourquoi, dans la foulée de l'accident de Tchernobyl, le gouvernement français a provisoirement interdit la vente des épinards cultivés en Alsace, là où le méchant nuage venu d'Union soviétique a laissé le plus de traces. Il paraît d'ailleurs qu'après avoir fait le tour de la Terre, ce nuage doit revenir sur la France dans une dizaine de jours, mais il paraît aussi qu'il a beaucoup perdu de sa pollution. Bref, il n'est plus radioactif, mais radio-passif. De toute façon, à aucun moment la santé des Français n'a été menacée, et toutes les mesures prises ici ou là, par exemple pour protéger les tomates et les concombres, sont plus symboliques qu'indispensables. Interactualité, le 14 mai 1986, Patrice Bertin qui s'exprime. 14 mai 1986, c'est le jour où Gorbatchev fait la grosse allocution qui concerne Tchernobyl. Dites-nous, Galia Ackermann, ce culte du secret, du silence, de la dissimulation, explique aussi cette catastrophe de Tchernobyl avant et puis au moment de la catastrophe, c'est-à-dire au moment où il faut essayer de colmater les brèches. Vous savez, il y avait plusieurs membres du Politburo qui affirmaient que la panique est plus dangereuse que la radiation. C'était très important que les gens ne paniquent pas. Et donc, en effet, donc le 27 avril, dans l'après-midi, c'est toute la ville de Pripyat, cette ville nouvelle, modèle, moderne, etc., qui a été évacuée, 50 000 personnes. Ensuite, dans les jours suivants, on évacue tous la ville de Tchernobyl et des quelques dizaines de villages qui se trouvent dans la zone la plus irradiée. Elle va devenir la fameuse zone interdite. Mais, par exemple, on n'interdit pas le défilé, grand défilé, la manifestation, donc en l'honneur du 1er mai. Et alors que le vent souffle vers Kiev, parce que on ne peut pas créer de la panique dans une grande ville qui à l'époque a quand même peut-être près de 2 millions d'habitants, et qui plus est, la direction du parti sort avec ses propres enfants, avec leurs propres enfants, pour montrer le bon exemple. Au moment de réfléchir à réformer l'Union soviétique, telle que l'a voulu Mikhail Gorbatchev, mais juste avant Tchernobyl, ça ce sont des hasards de calendrier, il y a aussi la réalité de ce que vous venez de nous dire, Galia Ackermann. Il est très difficile d'abandonner des habitudes aussi ancrées, Sabine Dulin, c'est très dur de réformer l'Union soviétique. Oui, c'est difficile et souvent les réformes s'enfoncent dans l'inertie, le maintien des pratiques antérieures. Et d'ailleurs, c'est dans la longue durée de ce que je raconte dans l'ironie du destin, on voit à quel point souvent les réformes aboutissent à des résultats contraires à ce qui était prévu. Alors, dans le cas de malgré tout de cette catastrophe de Tchernobyl, on voit à quel point d'abord il y a des réactions qui sont de l'ordre de des habitudes, par exemple ce qu'on peut appeler la bataille de Tchernobyl. C'est-à-dire on est dans une nouvelle bataille de Stalingrad, on envoie les liquidateurs construire donc le sarcophage pour éviter la propagation donc de la radioactivité, des mineurs qui vont creuser un tunnel pour le remplir de béton. Donc bref, on est dans l'héroïsme de la nouvelle bataille contre un ennemi qu'on ne voit pas, mais contre lequel on va se battre. Et c'est les militaires qui sont aux premières, d'ailleurs, qui sont mobilisés. Donc on a ce côté mobilisation, qui a toujours été une manière de fonctionner dans l'économie et dans les politiques soviétiques. Mais en même temps, c'est vrai que la crise de Tchernobyl va sans doute accélérer les réformes de Gorbatchev, ou en tout cas Gorbatchev va y trouver un nouveau souffle, et j'en veux pour preuve d'ailleurs un extrait des mémoires de Gorbatchev, qui ont d'ailleurs été traduits par Galia Ackermann, dans lequel en juillet 1986 il s'adresse aux membres du bureau politique pour justement les houspiller en fait et leur dire qu'on ne peut plus faire confiance les yeux fermés, qu'il faut maintenant une forme de responsabilisation, de finalement de d'évaluation des politiques, et on peut plus juste considérer que on a la science infuse. Et donc ce processus assez classique hein, dans l'histoire soviétique d'autocritiquer les formes de gouvernement et d'essayer de les réformer, ça va quand même prendre peut-être s'accélérer grâce à Tchernobyl, mais sur le fond, la réforme du système, de toute façon, va se heurter à autre chose, hein, c'est-à-dire la difficulté de transformer des structures très ancrées et finalement un effondrement plutôt qu'une réforme réussie. Et pendant ce temps-là, à Tchernobyl, des gens nettoient. Je suis ingénieur chimiste, docteur S sciences. On m'a rappelé sous les drapeaux alors que je dirigeais le laboratoire d'un grand complexe industriel. Et comment m'utilisait-on ? On m'a mis une pelle dans les mains. C'était pratiquement mon seul instrument. Nous avons énoncé un aphorisme : la pelle, la meilleure arme antinucléaire. Comment raconter Tchernobyl ? Des véhicules militaires et des soldats, des postes de lavage, une atmosphère militaire. On nous a installés dans des tentes par groupe de 10. Personne ne se plaignait. Quand il faut y aller, il faut y aller. La patrie nous a appelés. Il est comme ça, notre peuple. Vanda Benes, qui lisait un extrait de La Supplication de Svetlana Alexievitch, un ouvrage, mais que vous avez traduit aussi, Galia Ackermann, en plus d'avoir traduit Gorbatchev. C'est quoi La Supplication, justement? Parce que c'est un ouvrage de 1997. Hein. Nous sentons combien Tchernobyl est dans les mémoires, mais presque de politique internationale, et puis dans les mémoires des individus. Bien sûr, vous savez, à ce jour, c'est un traumatisme très profond. Donc, Svetlana Alexievitch a collecté les témoignages qui sont à la base de ce livre, au début des années 80. Donc, c'était encore quelques années après l'accident. Donc, les mémoires étaient plus fraîches. Mais même aujourd'hui, par exemple, en Ukraine, à Kiev, il n'y a pratiquement aucune famille qui n'a pas été touchée parce que tout le monde était liquidateur. Moi, j'ai fait des calculs. Je pense qu'en 5 ans, entre 86 à 91, fin 91, qui est l'éclatement de l'Union soviétique, il y a à peu près 1 million de personnes qui ont participé aux travaux de liquidation. On peut dire que c'était probablement le dernier chantier du communisme. Grand chantier, vous savez, comme ceux qui ont été utilisés en mobilisant des jeunes pour construire les grands barrages, les grandes voies ferrées, etc. Mais là, c'était pas quelque chose de positif. On ne construisait rien du tout. On essayait d'endiguer une énorme catastrophe et qui, bien sûr, a coûté la vie à des dizaines de personnes, probablement dans l'immédiat, mais ensuite qui a raccourci des vies de centaines de milliers d'autres personnes. Et dans La Supplication, ces témoignages du début des années 1990, c'est vrai que c'est terrible hein, de voir combien la chair est meurtrie, mais c'est un univers qui s'effondre. Et d'ailleurs, Sabine Dulin, cet univers qui s'effondre, c'est aussi pour Gorbatchev, et on l'a dit, hein, combien il croit dans l'Union soviétique, eh bien, la prise de conscience que le système lui-même a pu, non pas provoquer la catastrophe, quoi qu'on pourrait même en discuter, mais a même ralenti la possibilité de réagir. Oui, je pense que là, on n'est pas dans la tête de Gorbatchev, mais incontestablement, il a été très impressionné, je pense, par justement par le aussi le manque d'informations qui remonte jusqu'à lui dans les premiers moments. Il s'appuie notamment sur un ami, Velikov, qui est un physicien nucléaire, qui va aller se rendre compte sur le terrain. Donc à la limite, il envoie son propre émissaire pour en savoir davantage. Donc il est vraiment confronté à cette difficulté de la chaîne d'information, de la circulation de l'information au sein du système soviétique. Donc je pense que ça va renforcer sa volonté de réforme et en même temps il est ça va renforcer sa volonté de réforme, mais sans forcément y réussir. Sabine Dulin, vous nous avez dit que Gorbatchev voulait cesser cet affrontement de la guerre froide, passer à autre chose. Pourtant, avec Tchernobyl, eh bien, il retrouve, mais il est presque obligé même de retrouver des réflexes de défense, tant la réaction internationale est très forte. Parce que c'est vrai que Tchernobyl a été utilisé à l'international, mais de manière extrêmement légitime, pour dire, mais regardez ce qui se passe en Union soviétique. Il est obligé de se défendre. Oui, il va se défendre et en même temps, il va tout de suite quand même donner des gages assez rapidement. Hein. Si on mentionne la conférence qui a lieu à Reykjavik en Islande avec le président des États-Unis, ils vont finalement commencer à discuter véritablement désarmement assez vite, donc à la suite de cette affaire de Tchernobyl. Et puis la volonté de retrait de l'Afghanistan débute aussi très vite. Donc d'une certaine manière, Gorbatchev veut justement passer à autre chose. Je pense que ce moment Tchernobyl est essentiel dans finalement une sorte de prise de conscience quand même d'une forme de défaite, hein, de défaite de justement ce prométhéisme soviétique qui croyait tout possible et qui croyait pouvoir vraiment qu'il y avait une sorte de certitude d'être dans le sens de l'histoire. Et finalement, Gorbatchev acte quand même une série de défaites. Quand il retire les soldats d'Afghanistan, quand il décide de désarmer, c'est une manière de dire maintenant il faut se concentrer sur l'intérêt national, le développement intérieur, et cesser ces rodomontades de grandes puissances qui n'ont pas les moyens de suivre derrière. C'est cette idée de puissance pauvre. Gorbatchev arrive au pouvoir en 1985. Quel bilan après 2 ans au pouvoir? Nous sommes donc en 1987. Effectivement, il semble que la plupart des soviétiques soient convaincus qu'il se passe quelque chose vraiment maintenant en Union soviétique avec l'arrivée au pouvoir de Mikhail Gorbatchev. Je crois qu'il y a effectivement un certain espoir de voir les choses changer et bouger après presque 2 décennies d'immobilisme. Mais la question que tout le monde se pose, et lorsqu'on parle avec les soviétiques, on s'en rend très vite compte, c'est de savoir si véritablement il n'y a pas un risque de retour en arrière, une espèce de coup de bâton. Vous savez que l'histoire soviétique récente, depuis la Révolution, a montré qu'il y avait assez souvent des phases, non pas de libéralisation, mais d'ouverture, qui permettaient une plus grande expression des intellectuels, par exemple. Et puis tout d'un coup, on revenait 10 ans, 20 ans en arrière. Et alors, les gens se demandent aujourd'hui, bon, d'accord, Gorbatchev, on le voit, et il parle beaucoup, il annonce des réformes, mais est-ce qu'il ne risque pas d'être bloqué dans ses perspectives? Et est-ce qu'à ce moment-là, ce n'est pas à nouveau, disons, les soviétiques qui pourraient faire les frais d'un enthousiasme mal compris? Ulysse Gosset, qui s'exprimait en mars 1987 à propos de ces 2 ans au pouvoir de Gorbatchev. Galia Ackermann, pour l'histoire de l'URSS, de l'Union soviétique, nous savons bien qu'en 1991, l'ensemble s'effondre. Entre 1986, Tchernobyl, et 1991, il se passe énormément de choses, bien sûr. Est-il logique, cohérent, raisonnable de faire un lien entre Tchernobyl et la chute de l'URSS? Est-ce que Tchernobyl a fragilisé l'URSS? Je pense que, bien sûr, la chute de l'URSS a été un événement multifactoriel et on ne peut pas accuser seulement Tchernobyl d'être à l'origine de cet éclatement et de la fin du régime communiste, mais Tchernobyl a certainement aussi joué un rôle dans cet effondrement. Parce que, d'une part, ça sapait quelque chose qui était très profondément ancré dans l'esprit des soviétiques, c'est que c'est un État paternaliste. C'est un État qui gère toute leur vie, depuis le jardin d'enfants et jusqu'à la mort, qui trouve du travail pour chacun, il n'y avait pas de chômage, qui assure toute la vie, tout le système était en quelque sorte la vie de la plupart des soviétiques a été programmée. Et s'il y avait un problème, on pouvait toujours aller se plaindre, par exemple, au comité local du parti, même pour des choses comme, je ne sais pas, un conflit conjugal. Mm. Et donc là, les gens comprennent que malgré les grands slogans que l'homme soviétique est plus fort que l'atome, toute cette terminologie militaire dont a parlé Sabine Dulin, que voilà, il faut vaincre cet ennemi invisible, malgré toutes les tentatives, parce que vous savez, ces gigantesques travaux de ce qu'on appelle liquidation des conséquences de Tchernobyl, ça a été en grande partie dû à l'idée qu'il faut restaurer le plus rapidement le travail de la centrale. Et donc, tous ces travaux gigantesques, en grande partie, on a sacrifié des vies pour que le réacteur numéro 3, qui était jumeau du numéro 4, qui avait toutes sortes de communications communes, salles de machines communes, etc. Donc, on les a séparés comme les siamois. Et on a construit une chape, un sarcophage au-dessus du quatrième réacteur. Et pour la fête de la révolution d'octobre en 87, on a inauguré le retour au fonctionnement du bloc numéro 3. Mais voyez, quand vous avez subitement des populations déplacées, ce million de liquidateurs dont la moitié était des militaires et la moitié était des civils, on peut dire mobilisés des quatre coins de l'Union soviétique. Quand vous avez beaucoup de gens malades, quand vous avez des frais énormes liés à ces travaux gigantesques pour ne rien produire, encore une fois, on a payé des salaires très élevés aux liquidateurs. Ces liquidateurs ne participaient pas au travail normal de leurs entreprises. Donc, c'était d'une part l'effondrement de la foi et d'autre part un effort gigantesque alors que le prix du pétrole a été très bas dans les dernières années. Donc, il n'y avait pas d'argent pour ça et Tchernobyl s'est greffé dessus. Donc, certainement un facteur qui a aggravé la situation soviétique en général et a été l'un des facteurs qui a causé la perte. Merci beaucoup, Angélia Ackermann, de remettre au centre de notre discussion l'individu, parce que c'est ça aussi qui est essentiel en histoire, dans les événements, c'est l'individu de Tchernobyl, vive, pensée, figurée, c'est l'ouvrage que vous dirigez avec Irina Dmitrychin. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est avec cœur. Et merci aussi à Sabine Dulin, parce que avec cette ironie du destin, une histoire des Russes et de leur empire, là aussi c'est le temps long, de la guerre de Crimée 1856, des sauts dans le temps, mais c'est une histoire de la Russie. Et c'est passionnant. Merci à toutes les deux de nous avoir parlé de Tchernobyl et d'essayer de comprendre la chute de l'URSS. Mais pour le moment, lui va nous aider aussi à comprendre. Une question simple, une réponse éclairante, c'est Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Depuis quand peut-on rire à pleines dents? On se souvient qu'il y a quelques années, l'un de nos récents présidents de la République fut pris dans une polémique parce qu'il était accusé d'avoir tenu des propos péjoratifs à propos des « sans dents ». Terme utilisé aujourd'hui pour désigner les pauvres gens qui n'ont pas les moyens d'afficher publiquement une dentition impeccable. Vrai ou fausse, cette anecdote a été un moyen de mettre en scène une relation sociale entre les Français d'en haut et les Français d'en bas qu'il n'est pas inutile d'aborder dans une perspective historique. À partir du XVIIe siècle, l'une des conséquences de la domination coloniale fut d'accroître considérablement la consommation de sucre. Les monarques qui avaient encouragé la traite négrière pour trouver la main-d'œuvre nécessaire à l'exploitation de la canne à sucre furent punis de leur forfait parce que l'abus de sucre eut pour effet la multiplication des caries dentaires. L'exemple le plus célèbre de monarque sans dents est celui de Louis XIV. Alors qu'il n'avait que 47 ans, il ne lui restait déjà plus une seule dent à la mâchoire supérieure. Compatissant pour ce malheur royal, vous vous demanderez peut-être ce que faisaient les dentistes à l'époque du roi Soleil. Réponse, au XVIIe siècle, la profession n'existait pas encore. Seuls sévissaient des arracheurs de dents. Le plus célèbre d'entre eux s'appelait le Grand Thomas, qui officiait sur une scène montée sur des roues du côté du Pont Neuf à Paris. Bien que les services de ces arracheurs de dents ne furent pas d'un grand secours pour nos rois, on l'a vu plus haut, ils avaient leurs entrées dans les palais. Le 4 septembre 1729, lorsqu'il apprit la naissance du dauphin Louis de France, fils de la reine Marie Lenzinska et de Louis XV, le grand Thomas fit battre le tambour pour annoncer qu'il arracherait les dents gratuitement pendant 15 jours. Il alla ensuite complimenter le roi et la reine en enfourchant son superbe cheval qui était orné, raconte une chronique de l'époque, d'une prodigieuse quantité de dents enfilées les unes avec les autres. Mais au moment où le grand Thomas exhibait fièrement les dents qu'il avait peut-être extirpées des mâchoires royales, un modeste chirurgien de la marine, fils de tisserand, publia un traité qui allait révolutionner l'art dentaire. Il s'appelait Pierre Fauchard et le titre de son ouvrage était intitulé « Le chirurgien dentiste », paru en 1728. Livre qui joua un rôle essentiel dans la diffusion de ce nouveau mot pour désigner sa profession. Considéré comme le fondateur de l'odontologie moderne, Fauchard mit au point la technique du fraisage et du forage dans la chirurgie dentaire en préconisant notamment l'utilisation des plombages pour remplir les cavités. La différence principale entre le grand Thomas et Fauchard, c'est que le premier fournissait un service de base pour soigner ceux qui avaient mal aux dents, alors que le second privilégiait la dimension esthétique. Son génie fut d'avoir compris très tôt qu'un nouveau marché était en train de naître. C'est à partir de cette époque, en effet, que les brosses à dents commencèrent à se diffuser dans le commerce et qu'on se mit à faire de la publicité pour les dentifrices, les cure-dents, l'hygiène buccale et la blancheur des dents. Finalement, c'est grâce au savoir-faire d'un artisan dentiste comme Fauchard que nos bouches sont devenues une partie intégrante de notre identité physique. Ces bouches qui nous permettent de vous entendre, enfin on n'entend pas avec la bouche, hein, mais ce qui vous permettent de dire ces belles chroniques, Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique Jacques Hubert, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Biudès, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach et Sophie-Catherine Gallet. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.